franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur un fait divers emblématique des années 80, l'affaire Attab Sarosubra, dit le trio diabolique ou l'appât, comme le titre du film de Bertrand Tavernier inspiré de cette histoire. Trois jeunes Parisiens rêvent de partir vivre aux États-Unis. Leurs maigres économies ne suffisent pas. Alors l'argent, ils vont le prendre chez les riches. Valérie, 18 ans, est jolie, elle sera l'appât. Laurent, 19 ans, et Jean-Rémy, 21 ans, feront le sale boulot. En décembre 1984, le trio assassine deux hommes pour une poignée de billets. Du rêve américain à la folie meurtrière, c'est un conte noir qui devient le temps d'un procès, une affaire passionnelle. Tous les ingrédients sont là. Un mystère policier, une belle criminelle, du sexe, du sang. Valérie Subra, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarrou font la une de la presse, deviennent les héros d'un livre, puis ceux d'un film. On les a surnommés le trio diabolique. Diaboliquement nul serait plus juste, diaboliquement moderne aussi. Car au-delà du fait divers, c'est une partie de la société qui s'assoit sur le banc des accusés. Un monde d'individualisme forcené, de simulacres et de paillettes, un condensé criminel tout de suite. Après le récit, nous recevrons l'écrivain Morgan Sportes. En 1990, il consacre un livre à cette affaire intitulé « L'appât ». Oui, ce mot qui résume vient d'abord de ce livre. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Perez, réalisation David Jacuboviez, à la technique aujourd'hui Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Hiver 84, Le Sentier, Paris. Situé en plein cœur de la capitale, ce quartier traditionnel de la confection textile vit son âge d'or. C'est l'explosion du prêt-à-porter, l'époque des réussites fulgurantes, comme Naf-Naf ou Morgane. Tout est là, marchands de tissus, modélistes, stylistes, ateliers, grossistes. Les rues fourmillent d'acheteurs et les magasins embauchent à tour de bras. C'est ici que Valérie Subra, 18 ans, décroche son premier job. Depuis quelques mois, elle est vendeuse à la boutique Jeep, rue du Caire. Elle gagne 5000 francs par mois et habite toujours chez sa mère, nourrie, blanchie. Mais Valérie a d'autres ambitions. La petite vendeuse du sentier se voit déjà en haut de l'affiche, actrice ou mannequin, rêve de paillettes et de fric. La réussite, elle en est sûre, c'est une question de relation. Alors le soir, la jeune fille sage, éduquée depuis l'enfance en école religieuse, opère Samuel à la recherche de rencontres prometteuses. Longue robe noire et moue boudeuse, elle pousse les portes de la nuit. Premier arrêt au jardin de la Boétie, restaurant échangiste à deux pas des Champs-Élysées. Le maître de cérémonie, Paul Teclé, dit Polo, y accueille le gratin du showbiz, des commerçants, des avocats, des médecins. Les filles, jeunes et jolies, viennent ici trouver le prince charmant, un mari ou un employeur. Valérie, elle, joue les séductrices. Son carnet d'adresses grossit à vue d'œil. Et puis elle achève la soirée sur le dance floor de l'Apocalypse, dit la peau, boîte de nuit branchée des champs. Elle a 18 ans, les nuits sont blanches, la vie facile. Ce vendredi 7 décembre 1984, Valérie n'ira pas au jardin ni à la peau, car elle a d'autres plans. En fin de journée, elle retrouve son petit ami Laurent Attab, 19 ans, et un copain, Jean-Rémy Sarrau, 21 ans. Un duo improbable, ces deux-là. Laurent, juif tunisien, élevé dans la soie, est le fils d'un riche commerçant du sentier. Il est beau, il roule en alpha, et grâce à papa, il est patron d'une société de t-shirts. Chez lui, en banlieue parisienne, on l'appelle le roi de Saint-Mandé. Même si, depuis quelque temps, ses affaires vont mal. Plus doué pour claquer de l'argent que pour en gagner. Jean-Rémy Sarrau, lui, c'est l'antithèse. Une vie de galère. Abandonné par sa mère à la naissance, il est très tôt livré à la rue. Un zonard, comme on dit alors, cheveux longs, barbe mal rasée, sourire édenté. Il y a quelques mois, il vole la moto de Laurent, la lui rend et ils deviennent inséparables. Jean-Rémy est subjugué par Laurent, par son aisance, son argent. Laurent lui a pitié, il prend Jean-Rémy sous son aile. Ensemble, ils vont faire des coups. D'ailleurs, c'est prévu pour aujourd'hui. Dans un atelier désaffecté du sentier, Valérie Laurent et Jean-Rémy se répètent le plan. Aussi simple qu'un scénario de série télé. Valérie doit obtenir un rendez-vous chez l'une de ses riches relations. Une fois arrivés, Laurent et Jean-Rémy débarquent, braquent le malheureux et repartent avec le pactole. Pour les détails, oh, ils improviseront sur place. Reste maintenant à choisir la proie. Valérie sort alors son carnet d'adresses devenu fétiche, le feuillette avec attention. Tiens, un avocat, ça ferait l'affaire. Banco, le rendez-vous est pris pour ce soir, chez lui. Il sera seul. Rue de Prony, 17e arrondissement, il est 22h. Trois ombres sortent de l'Alfa Romeo et s'engouffrent dans l'immeuble cossu. Laurent et Jean-Rémy attendent dans le hall. Valérie entre en scène. Comme prévu, elle prend soin de ne pas claquer la porte de l'appartement derrière elle, la laissant légèrement entrebâillée. À peine arrivée, elle demande à son hôte un verre de jus d'orange. Et lorsqu'il revient de la cuisine, deux hommes lui font face, cagoulés et armés. 30 minutes plus tard, Valérie, Laurent et Jean-Rémy referment avec soin la porte derrière eux. L'Alfa Romeo roule à toute vitesse dans la nuit parisienne. Le lendemain, samedi 8 février 1984, sur les ondes de France Inter, la nouvelle tombe, un homme est mort. Mystère autour de l'assassinat de Maître Lelédier, un avocat que les policiers ont trouvé mort dans son cabinet du 17e arrondissement. Hier soir, il avait les pieds et les poignets ligotés. Et il avait été tué avec un instrument tranchant. Les enquêteurs de la brigade criminelle se sont immédiatement mis sur cette affaire, mais ils restent pour le moment très discrets. Francisque des Orfèvres, Paris. L'enquête sur l'assassinat de Maître Gérard Lelédier, 50 ans, est confiée au commissaire Christian Flèche, patron de la police judiciaire. Au domicile de l'avocat, qui lui sert aussi le cabinet, ces hommes ont découvert le corps encore chaud. Et il gît, là, dans une mare de sang, pieds et poings liés, le visage tuméfié, la poitrine perforée par 6 coups de couteau. Aucune trace d'effraction, pas de vol constaté, mais l'appartement est retourné. Pour le journal Le Parisien, le commissaire Flèche commente. Manifestement, son ou ses agresseurs ont frappé comme des fous pour le faire parler. Quand on saura ce qu'il cherchait, on saura alors qui a tué. La vie de Maître Gérard Lelédier est passée au peigne fin. Célibataire, père d'un petit garçon de 12 ans, cet avocat un peu bohème est spécialisé dans les divorces et les accidents de la route. Le soir, il fréquente assidûment le milieu des Champs-Élysées, notamment les jardins de la Boétie, le restaurant échangiste. Amateur de jolies filles, il multiplie les conquêtes. Le soir du drame, il avait rendez-vous avec une petite jeune, pas plus de 20 ans, selon un proche. Son agenda de l'année 84 est dépouillé, mais il est rempli de prénoms féminins et de numéros de téléphone. Au 36 quai des Orfèvres, dans les bureaux de la crime, commence alors un interminable défilé d'infectes. Sans grand résultat, l'enquête piétine. Dix jours plus tard, le 18 décembre 1984, le commissaire Flèche est averti d'un nouveau meurtre dans le 17e arrondissement, à 500 mètres à peine de l'appartement de Gérard Lelédier. Le scénario est identique. Laurent Zarade, 29 ans, est retrouvé poignardé chez lui, mains et pieds ficelés. L'appartement a été fouillé, ses bijoux volés. Là encore, aucune trace d'effraction. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. La victime, riche commerçant du sentier, est aussi un habitué des nuits parisiennes et des aventures passagères. La veille du meurtre, il a été vu à la Peau, nightclub des Champs-Élysées, avec une jeune fille brune, pas plus de 20 ans. En moins de 2 jours, la belle est démasquée. Le 20 décembre 1984, Valérie Subra est arrêtée dans son magasin rue du Caire. Et tout l'accable. Elle porte sur elle les bijoux volés dans l'appartement de Laurent Zarade. Des témoins confirment les avoir vus ensemble la veille du meurtre et son agenda contient les numéros de téléphone des 2 victimes. En quelques minutes, Valérie Subra se trouble et elle avoue tout au commissaire Flèche. « C'est pas moi, c'est les autres qui ont tout écrit-elle. » Les autres, ce sont Laurent Attab, son petit ami, et Jean-Rémy Sarraud, son acolyte. Ils sont immédiatement arrêtés. Pendant près de 6 heures d'interrogatoire, Valérie et Jean-Rémy racontent par le menu leur équipée meurtrière. Laurent, lui, drapé dans son arrogance, met 48 heures avant de parler. Finalement, les 3 suspects livrent la même version des faits. Laurent voulait réunir beaucoup d'argent pour partir faire carrière aux États-Unis, suivre l'exemple des frères Naf-Naf, les nouveaux rois du prêt-à-porter outre-Atlantique. Il embarque Jean-Rémy et Valérie dans son plan. Elle connaît des hommes riches, elle sera la pas. Jean-Rémy est costaud, il sera son homme de main. Au départ, ils ne veulent pas tuer leur victime, non, ils veulent seulement l'obliger à leur donner les clés du coffre-fort. À l'époque de la carte bleue, ils croient encore au trésor caché sous le matelas. Et puis ça a dégénéré, deux fois. Alors, perdu pour perdu, ils comptaient recommencer le soir de leur arrestation. Dans Faites entrer l'accusé, diffusé sur France 2 en 2010, le commissaire Flech se souvient de la déposition de Valérie Subra. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a un décalage entre sa jeunesse, sa fraîcheur, et puis l'horreur des deux scènes de crime. Et puis cette espèce d'insouciance qui faisait qu'au moment où elle nous avait tout dit, elle avait le sentiment que, bon, maintenant, il fallait la laisser tranquille, quoi. Moi, je savais, même si j'étais jeune policier, je savais qu'elle allait passer devant la cour d'assises. Et elle n'avait pas du tout ce sentiment-là. Elle était dans l'idée, beaucoup de gens nous ont dit après, que voilà, on était le 20 décembre, je crois, et que pour Noël, il fallait qu'elle soit sortie, quoi. Le 22 décembre 1984, 15 jours après le meurtre de Gérard Lelédier et une semaine après celui de Laurent Zarade, l'affaire est classée. Dans la presse, Valérie Subra, 18 ans, Laurent Attab, 19 ans, et Jean-Rémy Sarraud, 21 ans, sont surnommés les Diaboliques. Leur procès hyper médiatisé s'ouvre à Paris 3 ans plus tard. C'est le type même de ce que les habitués de la cour d'assises, à commencer par l'excellent président Versini, appellent une belle affaire. Un trio diabolique devant les assises de Paris aujourd'hui. En toile de fond, une histoire sordide. 3 jeunes gens, 2 hommes et 1 femme comparaissent accusés d'un double assassinat, de vol qualifié et de complicité. La jeune femme séduisait les hommes dans les boîtes de nuit et ses camarades les dévalisaient. Laurent Alab, Jean-Rémy Sarraud et leur complice Valérie Subra ont tué, après les avoir torturés, 2 personnes. C'est ainsi que les 8 et 16 décembre 1984, 2 avocats étaient retrouvés morts à leur domicile à Paris. Vendredi 8 janvier 1988, cour d'assises de Paris. La grande salle du tribunal est pleine à craquer. Au fond, le public est debout. Sur les bancs de la presse se serrent 40 de journalistes. Les familles et les proches prennent place en silence. Les avocats des ténors du barreau se préparent. À 13h30, l'huissier annonce la cour. Le président Xavier Versini ouvre le procès. Faites entrer les accusés. Valérie Subra, aujourd'hui âgée de 21 ans, s'installe la première dans le box. Habillée de noir, les cheveux tirés dans une longue tresse, le visage pâle. On attendait une vamp, c'est une toute petite fille qui apparaît, qui s'effondre en larmes, écrit Rodolphe Vincent dans François. Car si le procès dit diabolique est un tel succès, c'est bien grâce à elle. Partout on se presse pour voir la belle criminelle, objet de tous les fantasmes. La veille du procès, Valérie est à la une de Paris Match, mais c'est une photo de vacances. Naïade au t-shirt mouillé, au regard de braise. Le titre, Valérie la diabolique. Oh, un surnom parmi d'autres. Mante religieuse, ange déchu ou pulpeuse orange mécanique, ça ne manque pas. Elle rêvait d'être une star. Elle tente à présent de dissimuler son visage dans un mouchoir blanc. Un gendarme la retient par le bras, l'obligeant à faire honneur à la mitraille des photographes. Si la presse tente à faire de Valérie une héroïne vénéneuse, il en va de même pour les parties civiles. Pour maître Francis Spinner, l'avocat de la famille de Laurent Zarade, la deuxième victime, la jeune fille ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante, bien au contraire. Le 8 janvier 1988, quelques minutes avant l'ouverture des débats, il s'en explique au micro de France Inter. Si nous intervenons, c'est parce que je lis de ça et là une espèce de fable qui n'a rien à voir avec la réalité du dossier, qui tendrait à faire de Subra une malheureuse victime perdue et égarée. Il ne faudrait pas inverser les rôles. Les victimes, ce sont les parties civiles qui les représentent. Il est certain que sans Valérie Subra, il n'y a pas d'affaire. Elle a dans cette affaire un rôle moteur. C'est elle qui choisit les victimes, c'est elle qui les désigne à ses camarades, c'est elle qui permet à ses amis d'entrer dans les appartements, c'est elle qui a un rôle essentiel. Le rapport psychiatrique, par exemple, qu'est-ce qu'il précise ? Ce sont 3 jeunes gens qui sont tous les 3 normaux, d'une intelligence normale, mais qui évidemment ont une absence de scrupules et de sentiments qui est assez effrayante. Dans le cas de Valérie Subra, c'est une jeune femme que les experts décrivent comme quelqu'un de perverse. Sur le banc des accusés, c'est au tour de Jean-Rémy Sarraud, 24 ans, de prendre place. L'éternel brimé, chemise écossaise et grosses lunettes, baisse la tête. Il restera ainsi prostré durant tout le procès. À ses côtés, Laurent Attab, 22 ans, le regard défiant. Depuis sa première déposition, 3 ans auparavant, il est le seul à être revenu sur ses aveux. Il accuse désormais la police de maltraitance. Voilà donc les accusés au complet, le riche, le pauvre et la soubrette, résume le journal L'Humanité. Après la lecture de l'acte d'accusation commence une sorte de pugilat qui va durer 6 jours. D'un côté du ring, la défense, de l'autre, le parquet et les parties civiles. L'avocat général, Maître Guillou, célèbre pour ses coups de gueule, lance les hostilités. S'adressant à Valérie Subra, il ironise. « Avez-vous perdu votre coquetterie en prison ou portez-vous le deuil de vos victimes ?»« J'ai pris conscience de certains faits », répond-elle d'une petite voix. Eh bien, c'est justement sur ces faits que la cour va maintenant se pencher. Lundi 11 janvier 1988, le deuxième jour du procès consacré au récit du meurtre de Gérard Lelédier commis 3 ans auparavant, le 8 décembre 1984. Toute la question est de savoir si les 3 accusés avaient prévu de tuer l'avocat avant d'entrer dans son appartement. Autrement dit, le meurtre était-il prémédité? Sur ce point, les versions divergent. Contrairement à Laurent, Valérie et Jean-Rémy reconnaissent avoir évoqué cette solution pendant leur réunion préparatoire. Du reste, comment faire autrement puisque Valérie connaît les victimes? Mais pour l'heure, tuer n'est qu'un mot, ils en parlent sans trop y croire. Le jour J, chez Maître Lelédier, la fiction devient réalité. Laurent et Jean-Rémy, cagoulés, débarquent avec un pistolet 7.65, une matraque et un poignard. Ils ligotent l'avocat. La torture commence avec la quête hystérique de l'argent. Mais la victime n'en a pas, à peine 1 000 francs dans une poche. Alors, hors d'eux, ils frappent et ils frappent comme des fous. Sous la violence du choc, la matraque se brise sur la tête de l'avocat. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. « Il faut tuer », aurait dit Laurent à Jean-Rémy. Alors Sarraud s'exécute, attrape son couteau, frappe à la gorge et dans la poitrine. Valérie, elle, patiente dans le salon. Le supplice terminé, le trio file au Martine, c'est son bar préféré à 2 pas du Bois de Boulogne. Dans la pénombre, personne ne remarque les taches de sang sur le jean de Jean-Rémy. Leur maigre butin, moins de 200 euros, est entièrement bu ce soir-là. Gérard Lelédier est mort pour 2 bouteilles de champagne. Au procès, Jean-Rémy Sarraud termine sur ces mots. C'est facile de tuer, vous savez, n'importe qui peut le faire. Silence dans l'assistance. Le lendemain matin, mardi 12 janvier 1988, troisième jour du procès, troisième round. Le meurtre de Laurent Zarade, commerçant du Sentier de 29 ans, est passé en vue. Et les détails macabres s'enchaînent. Ce 18 décembre 1984, en arrivant chez la victime, Valérie rejoue la scène. Elle laisse légèrement ouverte la porte derrière elle et demande un verre de jus d'orange. Cette fois, Laurent et Jean-Rémy n'ont même pas pris la peine de mettre leur cagoule. Ils ligotent la victime et volent tout ce qu'ils peuvent. 10 000 francs en liquide, 2 montres, un stylo et quelques tickets de métro. Après avoir tenté de l'étrangler, Jean-Rémy affirme que c'est finalement Laurent qui achève la victime avec un coup de papier. Pendant ce temps, Valérie regarde des clips musicaux dans le salon et elle termine les toasts au saumon que son hôte avait préparé pour elle. L'avocat général, Maître Guillou, se tourne vers Valérie Subra. Laurent Zarade était-il sympathique? Il a bien dû vous faire quelques cajoleries avant. Allez, répondez, sympathique ou antipathique? Acculé, Valérie proteste. Mais pourquoi vous vous en prenez à moi, toujours à moi? Demain, ce sera au tour des témoins de venir s'exprimer à la barre. Une audience capitale à la veille des plaidoiries. Take this for granted. Will your eyes open? L'autre procès de la semaine se déroule devant la cour d'assises de Paris. C'est celui des diaboliques Valérie Subra, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarrau. Hier, on a longuement parlé des deux victimes du trio infernal. Aujourd'hui, c'était au tour des témoins et des rescapés, ceux qui l'ont échappé belle. Suite du procès des diaboliques à la cour d'assises de Paris, c'est ainsi que l'on surnomme le trio jugé pour deux meurtres et qui écumait la capitale la nuit à la recherche de personnes seules. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est la détermination des trois accusés, mais surtout de Valérie Subra, cette jeune femme de 21 ans, plus implacable que jamais, est considérée comme la véritable égérie du groupe. Mercredi 13 janvier 1988, quatrième jour du procès de Laurent Attab, Jean-Rémy Sarrau et Valérie Subra. Un jour important, témoins, rescapés, famille des victimes s'expriment à la barre. Le président Versigny appelle Sandrine Mémoun, 24 ans, ancienne secrétaire du père de Laurent Attab. Un témoin inattendu, capital. Longiligne, très maquillée, mal à l'aise, elle raconte son histoire. 3 ans auparavant, au mois de novembre 84, Laurent Attab reprend contact avec elle. Il lui propose de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et vite. Elle est tentée, car elle aussi rêve d'aller faire fortune aux États-Unis, de commencer une nouvelle vie. Dans un atelier désaffecté du Sentier, leur QG improvisé, elle rencontre le trio complet. Dans ce nouveau scénario, Sandrine sera le deuxième à pas. Elle facilitera le travail de Valérie. Ainsi, pendant que l'une d'elles occupera le client dans sa chambre, l'autre ira ouvrir la porte au braqueur. Elle s'étonne tout de même que Laurent conçoive un tel projet. Après tout, sa famille est très riche. « J'en ai marre d'être un fils à papa », lui répond-il. Le 30 novembre 1984, une semaine avant le premier meurtre, le quatuor décide de passer à l'action. Dans son carnet d'adresses, parmi les riches messieurs esselés, Valérie désigne un certain René Besseau. Il a 38 ans, habite un bel appartement du 17e arrondissement et roule en Porsche, la proie idéale. Le rendez-vous est pris pour le soir même, 21h, chez lui. Valérie sera accompagnée d'une amie. La suite, c'est Sandrine Mémoun qui la raconte au tribunal. Il avait été décidé de tuer Besseau. C'était le seul moyen efficace pour éviter qu'un lien puisse être fait entre Valérie et les agressions. Valérie et moi, nous ne devions pas assister à sa mort. Les deux garçons devaient tuer qu'après nous avoir fait sortir. Pour moi, tout ça, ce n'était que des mots. Ce n'est que quand je suis arrivée chez Besseau que j'ai réalisé l'énormité de la chose. Je suis allée voir Valérie et je lui ai dit « J'arrête, trouve un prétexte pour partir, moi je suivrai. On dira au garçon que le coup n'est pas bon et je suis partie. » Le soir même, j'ai essayé de ramener le trio à la raison. Ils ont essayé de me convaincre de rester. L'ambiance était très tendue. Ils étaient en colère. Laurent a crié « On tuera René une autre fois, te fais pas de bile. » Il n'y aura pas d'autre fois pour Sandrine. Elle tire sa révérence juste à temps, juste avant que les mots ne deviennent une réalité. Mais son témoignage accable les trois accusés, car elle confirme la préméditation des meurtres et révèle en même temps l'envergure de l'entreprise criminelle du trio. Après son départ, Valérie, Laurent et Jean-Rémy repartent à la chasse. En moins de 3 semaines, ils s'y reprennent 9 fois, 9 tentatives sur 5 personnes différentes. 2 sont assassinés. Le dernier homme sur la liste a échappé de peu à l'horreur. Il s'agit de Paul Teclé, la cinquantaine, animateur des Jardins de la Boétie, ce restaurant échangiste des Champs-Élysées où Valérie avait l'habitude de se rendre. Lui-même avait rendez-vous avec la belle le soir du 20 décembre 1984, jour de l'arrestation. Le rescapé, comme on l'appelle aujourd'hui, témoigne à la barre. Et il évoque sa première rencontre avec Valérie, sa beauté innocente et sa volonté de briller à tout prix. Il le répète face aux caméras d'Antenne 2. Elle s'est présentée au resto et puis elle m'a dit « Tiens, voilà, je te présente une amie, elle voudrait être mannequin. » Alors j'ai regardé et j'ai vu qu'effectivement, elle était très jolie, très beau visage, un petit peu angélique. On lui avait donné le bordieu sans confession, vous voyez, tellement elle était même un peu timide. Et tout de suite, nous avons sympathisé. Et ce que j'ai remarqué pendant les premiers temps, c'est qu'elle était tout le temps collée à moi pour essayer, si vous voulez, de récolter quelques retombées des gens qui venaient me voir. Mais c'est le 20 décembre que vous avez compris qui était véritablement Valérie et que vous étiez en fait une de ses prochaines victimes. Non, sur le coup, non, pas tout de suite. Mais c'est quand j'ai vu la photo dans le journal que j'ai compris avec horreur et stupéfaction que c'était elle qui était en fait l'instigatrice de tout, et que toute la comédie qu'elle me jouait, qu'elle jouait à tout le monde au restaurant, n'avait qu'un seul but, c'était l'argent. C'est-à-dire qu'elle avait donc, qu'elle était amoureuse, chose qu'elle ne m'avait jamais dit, et qu'elle avait donc un homme dans la vie, et que donc, c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, comme vous dites, je l'échappais, mais peut-être pas une fois, mais peut-être plusieurs fois, il y a quel qu'il sait. Après les rescapés, c'est au tour des familles des victimes de s'exprimer. La mère de Gérard Lelédier, 77 ans, puis son ex-femme, témoigne. L'enfant qu'ils ont eu ensemble a aujourd'hui 15 ans. Il croit encore que son père est mort dans un accident de voiture. L'émotion envahit peu à peu la salle du tribunal. Mais elle atteint son comble avec le témoignage du frère de Laurence Zarade, la seconde victime. Le visage blême, les mains tremblantes, il raconte la vie brisée de sa famille. Après le drame, son père a fait une crise d'hémiplégie, il est désormais cloué au lit. Leur mère, elle, n'a pas prononcé un mot depuis 3 ans. La tête basse, les 3 accusés se murent dans le silence. Alors la voix du président Versini retentit, l'audience est suspendue. Demain, jeudi 14 janvier 1988, commenceront les plaidoiries des avocats. C'est Maître Spinner, défenseur de la famille de Laurence Zarade, qui s'exprime le premier. Debout, pendant près d'1h30, il toise les accusés et les juges. Il souligne l'acharnement du trio diabolique. Sans l'arrivée de la police, combien d'hommes seraient morts? Puis il s'en prend à chacun d'entre eux. Laurent Attab est un menteur, Jean-Rémy Sarrault un lâche, Valérie est la plus coupable. Si elle n'a pas de sang sur les mains, c'est quand même elle seule qui choisit ses proies. Un doigt sur son carnet d'adresse, et c'est la mort. Maître Spinner termine sur ces mots. Unis tous 3 dans la préparation, unis dans l'exécution, unis dans le partage, il serait choquant que vous ne soyez pas unis dans la condamnation. Debout sur son estrade, l'avocat général Guillou lance à présent son réquisitoire d'une rare violence. Après Sarrault le dégénéré à table dévoyée, il se tourne vers Valérie Subrat. Valérie, une âme de cocotte. Avant-guerre, on appelait ça une poule. Sa mère a eu autant d'amants que de domiciles et elle en a eu des variés. Cette souris-là me fait penser aux souris grises qui accompagnaient les SS. On a parlé d'une landruette. C'était au-dessous de la réalité. Une cuisinière de la mort. Elle aurait amené ses victimes jusqu'au four crématoire s'il y avait eu un four crématoire. C'est la plus dangereuse, la plus roublarde. En prison, il paraît qu'elle se paie du bon temps en se livrant à des parties de jambes en l'air. Elle y restera au maximum 18 ans. Et 18 plus 18 égale 36. C'est vrai que quand elle sortira, elle sera un peu grillée du côté des Champs-Élysées. Mais elle pourra encore essayer boulevard des Capucines. Vendredi 15 janvier 1988, dernier jour du procès. La parole est à la défense. Tour à tour, Maître Cambarelli, avocat de Jean-Rémy Sarrault, Maître Pelletier, avocat de Valérie Subrat, et enfin Maître Lombard, avocat de Laurent Attab, plaident avec passion. Ils tentent désespérément de différencier le sort de leurs clients et de leur trouver des circonstances atténuantes. Maître Cambarelli confie à un journaliste « Heureusement que la peine de mort a été abolie en 81, sinon on jouait leur tête ». Le président se tourne vers les accusés. Avez-vous quelque chose à déclarer? Laurent Attab se lève. Il n'a rien à dire pour sa défense, mais il s'adresse à la mère de Valérie. Elle lui a confié sa fille. Il regrette. Toute la responsabilité lui revient. Sarrault, lapidaire, dit qu'il fait confiance à la justice. Valérie, en larmes, murmure 3 fois « pardon ». Les délibérations durent 2h30, puis le président Versini lit le verdict. Laurent Attab, Jean-Rémy Sarrault et Valérie Subrat sont condamnés à la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour les 2 garçons, le maximum à l'époque, et de 16 ans pour Valérie. Durant ces longues années, aucune permission de sortie, aucune remise de peine n'est possible. Valérie Subrat est la première femme en France à être condamnée à une telle sanction. Son avocat, Maître Pelletier, sort dépité de l'audience. Il se confie au micro de France Inter. connaissez la parole consacrée, on ne commente pas un verdict. Je suis déçu sur un plan humain, déçu parce que je pensais qu'il y avait au moins une circonstance atténuante qui aurait pu être retenue, c'était l'âge. Bon, d'un autre côté, il y a évidemment le poids des faits, cette situation horrible, le chagrin des victimes, des parties civiles. C'est vrai que je suis déçu, mais la justice a eu le dernier mot. Moi, je fais mon travail, je le fais de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je suis un défenseur, mais le poids des mots est dérisoire. Hein. Ce sont les juges qui décident, ce sont eux qui prennent leurs responsabilités, qui condamnent les gens. Longtemps après la fin de ce procès passionnel, l'affaire du trio diabolique continue de hanter les mémoires. En 1990, elle fait l'objet d'un livre, L'Appât, écrit par Morgan Sportes, que nous recevrons dans quelques minutes. Avec lui, nous verrons comment, peu à peu, le procès des diaboliques est devenu celui d'une époque, le reflet d'une jeunesse affamée de beau monde et d'une improbable Amérique. Tu repenses à cette fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle. Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle. Et c'est moi le corbeau qui t'annonce cette triste nouvelle. Elle ne t'aime pas. Ciao. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, L'Appât avec notre invité Morgan Sportes. Bonjour. Bonjour. Cet écrivain, auteur de nombreux ouvrages, en 1990, vous publiez aux éditions du Seuil, donc L'Appât, roman enquête très documenté sur l'affaire que nous venons de raconter, donc celle du trio dit diabolique. Première question, que sont-ils devenus? Parce que s'ils ont été condamnés en 88, mais qu'ils étaient déjà en prison depuis 84, ils étaient libérables en 2002. Mmh. Ils sont libres? Oui, ils sont libres. Mmh. Vous avez rencontré les protagonistes? J'en ai rencontré un. Oui. Une vingtaine d'années plus tard, donc je l'avais déjà rencontré en prison juste lors des faits, à deux reprises et j'ai rencontré 20 ans plus tard. C'est Jean-Rémy Sarrault. Oui. Même j'ai rencontré dans un endroit symbolique, c'était le café Le Bataclan, c'était juste à côté de chez moi. Et alors, c'est un cas exceptionnel, parce qu'en général, la prison, c'est une catastrophe. Les gens, ils sont détruits, ils regardent la télé, ils font du sport, ou ils se droguent, vous voyez. Mm-hmm. Donc, le résultat après 20 ans de prison, c'est en général une catastrophe. Et là, c'est un miracle, parce que le type que j'ai rencontré était un homme tout à fait construit, qui avait fait des études, et qui avait trouvé un boulot, qui s'était marié, qui avait eu même un enfant. Et donc, moi, quand je suis allé le voir la première fois en prison, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lui donner à ce type-là? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Ben, je lui ai apporté 10 livres, dont Crime et Châtiment de Dostoïevski, une machine à écrire et un dictionnaire. Et il m'a dit, il n'avait jamais lu de bouquin, hein, c'était un type complètement analphabète. Il a lu Crime et Châtiment deux fois, m'a-t-il dit, avec un dictionnaire. Ouais. Et ça vous prouve que ces jeunes, le mot diabolique n'est pas bon, ils sont complètement aliénés dans la société du spectacle, dans la société marchande, qui les décervelle. Donc pour une fois, lui, pour un cas exceptionnel, la prison lui a été utile, puisqu'en prison, il a pu se restructurer, il savait même pas écrire, il faisait des lettres pleines de fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Il a pu se restructurer, lire, il y a eu un prêtre qui s'est occupé de lui, il y a des gens qui l'ont entouré. Et ces 20 ans de prison, c'est pas rien, 20 ans, c'est énorme. Donc même après le crime le plus atroce qu'il a commis, je veux dire, on tuait quelqu'un avec 40 coups de couteau, c'est épouvantable. Moi, j'étais plutôt ému avant de le rencontrer en prison. Et ensuite, pour le rencontrer une vingtaine d'années plus tard. Ça prouve qu'en 20 ans, on peut quand même muter. Il y a une possibilité de rachat, hein, même sans toute, en privé de toute connotation chrétienne. Hein. Et vous avez raison, puisque cette affaire a été l'occasion de débats à la radio et à la télé sur la réinsertion post-carcérale. Alors, comme dans ce numéro de Faites Entrer l'Accusé diffusé sur France 2 le 11 mars 2010, intitulé La mort sur rendez-vous, réalisé par Clémence Badeau et Bernard Farou, et puisque vous parliez de Jean-Rémy Sarrault, ben, on va l'entendre, on va l'écouter, parce qu'il a accepté de témoigner à visage découvert. Et là, c'était 8 ans après sa sortie de prison. On voici un extrait. Jean-Rémy Sarrault, quand le verdict tombe, perpétuité avec 18 années de sûreté, c'est le maximum à l'époque, c'est pas une surprise pour vous ? Non, c'est pas une surprise, parce que je savais que ça allait être perpétuité, et mon avocat n'a jamais cherché à me dire, on pouvait jouer peut-être sur la peine de sûreté, mais perpétuité avec peine de sûreté, oui. Vous qui, dans cette affaire, avez tué, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que vous acceptez de témoigner aujourd'hui à visage découvert ? Pour payer complètement ma dette. C'est aussi pour retourner une page de l'histoire. J'ai été condamné, j'ai fait cette condamnation. Aussi pour dire ça, aussi pour dire que on peut avoir dans sa jeunesse commis une énorme connerie et puis... Après, totalement changer de vie, reconstruire quelque chose, refaire quelque chose. Ben voilà, ça correspond. Morgan Spartet, c'est quand même étonnant qu'il ait pris le risque de témoigner, de se montrer. Non, parce que Valérie Subra, je crois, vit au Maroc. Hein, et l'autre, elle a changé de nom, elle s'est mariée. Voilà, l'autre, le garçon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il se cache aussi. Il se cache peut-être. Lui, il ne se cache pas. C'est étonnant, non ? Ça lui a coûté un peu cher de se montrer à la télévision, puisqu'il m'a dit que ça lui a coûté son travail. Hein. Il était viré de son travail. Alors j'espère qu'il s'en sort maintenant. Mais oui, il y a une volonté pour lui de rachat. Bon, si je lui ai donné un livre de Dostoïevski, ça a peut-être évoqué en lui des idées, mais il y a une volonté de payer. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il a tenu à payer même financièrement les mensualités pour les familles des victimes, alors que les deux autres ne paient rien. Donc ce qui prouve que le crime, il n'est pas du tout question d'excuser les criminels, mais ça se paie. Et 20 ans de prison, c'est pas rien. Hein, on peut devenir un autre homme aussi. À quel moment vous avez-vous commencé à vous intéresser à cette histoire ? C'était dès 84 ou à partir du procès ou plus tard ? Dès 84, dès que ça s'est sorti dans la presse. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire-là ? Parce qu'après tout, c'est vrai qu'elle a une dimension romanesque aussi dans sa dimension cruelle et abominable. Enfin, la dimension romanesque, il y en a d'autres. Pourquoi celle-là? Très romanesque. Ouais. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui vous a... Bien, vous savez, écrire sur un meurtre, Monsieur Dupont tue Madame Dupont parce qu'il est jaloux, ça, à l'époque néandertale, ça existait déjà, donc c'est d'aucun intérêt. Mm-hmm. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement moderne. Et c'est ce qui a fait que cette affaire a suscité tous les médias. C'est-à-dire que on a affaire à des jeunes complètement décervelés et qui tuent pour rien. Ils tuent pour voler une ceinture Hermès, un sac, quelques billets. Donc ils sont, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le réel, ils sont dans le virtuel et qui suivent les étapes d'un mauvais scénario. D'ailleurs, leur film phare, c'était Scarface, le remake avec Al Pacino, pas le premier. Hein, oui. Ils connaissaient même pas l'existence du premier. Donc, ils sont complètement aliénés parce que Debord appelait la société du spectacle. Et d'ailleurs, Debord, qui était un ami, m'a dit, dans une lettre, il a parlé de leur sinistre innocence. Donc, remettant la responsabilité sur la société et sur ce qu'elle en oui, mais quelque part, partie, dans cette espèce d'aliénation. Oui, hein, je suis comme Dostoïevski, moi. Je veux dire, je n'ai pas trouvé que la société n'excuse pas tout. Mais elle est là. Et d'ailleurs, les choses ne font que s'aggraver. Parce que ce meurtre-là, qui en France, pas aux États-Unis, était quelque chose d'absolument nouveau, aujourd'hui, c'est chose commune. Ça nous renvoie aussi. Donc il y a des progrès, si j'ose dire. En toute ironie, lol. Ça nous renvoie quand même à la dimension du fait divers. C'est intéressant, c'est Pierre Bourdieu qui disait le fait divers fait diversion, parce que quand on s'intéresse à des crimes de sang, finalement on est détourné des préoccupations principales du citoyen qui devraient être celles de l'économie, de la politique, voire de la culture, et que le fait divers empêche le citoyen d'exercer son droit démocratique. Bon, mais parfois, c'est parfois vrai. Non, mais le fait divers est... D'ailleurs, il y a une thèse magnifique, c'est le Mana quotidien de Georges Auclair, qui est un anthropologue, qui dit que dans les sociétés totalitaires, on ne parlait pas du fait divers, parce que le fait divers était là pour nous dire qu'on n'était pas au paradis sur Terre. Je dirais, ouais. ni dans l'Allemagne nazie, ni sous Staline, on ne parlait du fait divers. Au contraire, le fait divers, c'est comme un microscope qui nous permet de voir en gros les tares de notre société. Quoi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans mon livre a été lu. Non seulement il a eu un large public chez les citoyens moyens, mais il a été lu par des grands intellectuels. Milan Kundera m'a invité à déjeuner. Claude Lévi-Strauss, que j'ai rencontré, m'a écrit une lettre où il me parlait de... Il m'a dit que j'avais écrit un livre policier ethnographique. Vous voyez, donc des types comme Jean-Claude Michéa pour mon dernier livre là tout de suite, etc. Donc Castoriadis, le philosophe. Donc on sait bien que le fait divers quand c'est pas Madame Dupont qui tue Monsieur Dupont, parce mais voilà, quand c'est ça touche à un problème sociopolitique et historique, bien sûr, profond. Il est révélateur de l'état de la société et le film de Tavernier va rester comme un. Non seulement c'est un bon film techniquement, mais aussi parce qu'il raconte. Bah tiens, on va l'écouter, Tavernier. Hein, en 95, c'est en 95 que votre livre est porté à l'écran par lui. La même année, le film a reçu l'Ours d'Or au Festival de Berlin. C'est vrai que c'est un très bon film. L'histoire est alors transposée dans les années 90. Enfin, c'est bien l'époque qui est au cœur de l'œuvre, comme de votre livre. Et au moment de la sortie de son film, le 6 mars 95, Bertrand Tavernier s'en est expliqué au micro de France Inter. Bertrand Tavernier, vous dites que cette petite jeune fille là, si mignonne, c'est un mélange de... Enfin, c'est un produit TF1, Claudia Schiffer. Oui, en opposition à la phrase de Godard qui disait, il y a les enfants de Marx et de Coca-Cola. Maintenant, ils n'ont plus Marx comme repère, ils n'ont pas de repère politique. J'étais en train de parler avec un juge qui spécialisait dans ces questions et qui me disait, il y a toute une génération maintenant de délinquants qui n'ont plus d'identification avec la société dans laquelle ils vivent. Ils n'ont plus de dette vis-à-vis de cette société, ils n'ont qu'un désir, mais un désir qui presque... La violence de possession, parce que c'est comme si cette violence de possession, c'était une manière d'exister. Et c'est proche de la toxicomanie. Ce sont des gens ordinaires, ce sont des gens qui ne démarrent pas dans la violence et qui tout d'un coup partent dans la délinquance pour devenir des patrons. C'est pour rentrer dans le système. Ce n'est pas pour contester un système. C'est pour devenir encore plus un possédant à l'intérieur de ce système. Morgane Sportes, approchez-vous du micro. Bon, évidemment, vous êtes d'accord. Et ce film est bon. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, vous ? Ah oui, il est très très bon. Mais Tavernier, c'est rare dans le milieu cinématographique, mais c'est un intellectuel et un homme cultivé. Hein. Je veux dire, bon, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et la dernière image de son film est magnifique. D'ailleurs, c'est dans les dernières pages de mon livre. Vous voyez, tout d'un coup, la caméra se fige sur l'image de Valérie Subra, qui est l'héroïne, donc l'appât. La musique s'arrête au moment où elle dit au policier, le monsieur Christian Flech, elle lui dit « on est à 4 jours de Noël », elle avoue le meurtre de 2 personnes, et elle lui dit « est-ce que je serai libre pour Noël ?» Ça, cette phrase est fascinante. Elle montre tout l'infantilisme social dans lequel la société marchande, la société de masse, est en train de nous réduire. Est-ce que je serai libre pour Noël ? C'est là où Tavernier a très très bien cadré le contenu du film. Votre livre est une enquête bien fouillée sur cette affaire. Comment vous avez travaillé, enquêté ? Est-ce que vous êtes confronté à des difficultés pour avoir certaines informations ou pas ? Ah, c'est très très émouvant, oui, parce que j'ai rencontré une cinquantaine de témoins aussi. Certains, c'était très difficile, parce qu'au fond, tout ça tournait dans le milieu des partouzards, c'est plutôt glauque comme milieu. Il y a certaines personnes qui se sont montrées dans les médias, je me serais caché à leur place. Hein. Parce que dans ces jardins de la Boétie et autres trucs échangistes, il y avait des filles de 15 ans. Ouais. Moi, j'en ai vu défiler au procès des beautés certaines, hein, qui étaient un peu plus âgées à l'époque, mais lors des faits, elles avaient 15 ans. Et certaines, je les ai poursuivies de coups de téléphone pour arriver à obtenir un rendez-vous, parce qu'il y a des pressions qui étaient faites sur elles pour pas qu'elles parlent. Alors je me souviens d'une d'elles qui rentre chez moi, d'un coup elle voit 4 livres sur une étagère, elle me dit « Vous avez lu tout ça ?» Oui, on en est là. Il y en a une autre, je l'invite à dîner, elle me dit « La tour d'argent ». Je lui dis, écoutez, c'est un peu cher quand même, la Tour d'Argent. Et non, c'était un café Place de la Bastille à l'époque, la Tour d'Argent. Donc ce sont des gosses qui n'ont pas les codes sociaux. Ils savent pas ce qui est riche ou ce qui est pauvre. La première victime, Maître Lelédier, se faisait passer pour un avocat d'Alain Delon et des vedettes de télé, alors que c'était un avocat d'accident de la route et de divorce et autres. Oui. Et elles se rendaient pas compte du tout. Elles arrivaient pas à déchiffrer les codes. Elles ne savaient pas qui elles avaient affaire. Il a vu une perruque et j'ai parlé avec une des filles. Elle n'avait même pas, s'était même pas aperçue qu'elle avait une perruque. Alors la perruque était blonde et les tempes étaient grises. Ouais. Donc on est chez un peu à Disneyland, vous voyez. Mais Disneyland, c'est d'autant plus horrible. C'est sordide et que c'est sanguinaire, vous voyez. Donc c'est ce mélange d'infantilisme et d'horreur fait le côté choc du livre et du film. C'est là où je reviens à la sinistre innocence dont parlait Guy Debord. Un autre de vos livres a été adapté au cinéma qui s'appelle Tout de suite. Et c'est étonnant parce que ce titre Tout de suite, il nous renvoie aussi à la part que vous avez publié en 2011 chez Fayard. Vous avez eu le prix Interallié. Oui, c'est ça. Bien, félicitations. Là encore, vous avez proposé une enquête précise et glaçante sur un autre fait divers, l'affaire du gang des barbares, dite aussi l'affaire Ilan Halimi, du nom de la victime. Vous voyez des similitudes entre ces deux événements au-delà de l'âge des meurtriers, hein, dans les deux cas, sont vraiment des tout jeunes, ou de la jeune fille qui sert d'appât, parce que c'est aussi la même chose. Il y a d'autres similitudes. On est toujours dans la société du spectacle, on est toujours dans la société marchande, et dans l'infantilisme aussi. Ouais. Parce que, en principe, quand on fait un kidnapping, on enlève le baron en pain. On va pas enlever un petit marchand de téléphone sous prétexte qu'il est juif, vous voyez. Donc on est réellement dans cette espèce d'infantilisme marchand. Donc ça, la base de l'appât ou de l'affaire Tout de suite, le gang des barbares, est la même. Mais alors se greffe dessus, d'une part, l'opposition banlieue-Paris, cette espèce de marginalisation des banlieues, des ghettos, quoi, une carmondisation de la population, avec tout un lumpen prolétariat qui vit de toutes sortes de trafics, dont la drogue qui est fondamentale, et aussi la multiracialité, parce que dans le gang des barbares, ils viennent de tous les continents du monde. Hein. Ils étaient 24, il y en a qui venaient d'Afrique noire, il y en a qui venaient du Maghreb, etc. Même la petite appât, elle venait d'Iran. Hein. Donc, et puis aussi, s'ajoute la religion. C'est-à-dire le retour au fondamentalisme et l'antisémitisme dans le cas du meurtre d'Ilan Halimi. Je reviens à... Mais le fond est le même. Le fond est le même. Et je reviens donc à l'APA. Il y a trois protagonistes, deux garçons, une fille, et tout a été polarisé autour de la fille. Pourquoi ce déséquilibre tout de même? Parce que les deux autres, ils tuent. Alors, elle sert d'APA. Pourquoi elle devient le symbole des trois? Bah, les médias sont assez vulgaires. C'est les vieux schémas judéo-chrétiens. Alors, c'est l'Ève diabolique. Et puis, enfin, le mot diabolique, d'ailleurs, ne tient pas debout. Ces gens-là, diabolique, c'est un renvoi aux valeurs judéo-chrétiennes. Or, ces gens-là, ils ne sont pas par-delà le bien et le mal. Ils sont en deçà du bien et du mal. Raskolnikov, quand il tue dans Crime et Châtiment, il fait une transgression. Ces gens-là ne sont pas dans la transgression. Ils sont dans la platitude la plus totale. Ils tuent, ils ont du sang sur le journal, sur le pantalon, et après ils vont en boîte de nuit. Ils n'ont pas conscience de leurs actes. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Jean-Rémy Sarraud en prison, il m'a dit « Ce que j'ai découvert pendant le procès, c'est que j'avais non seulement tué un homme, mais j'avais détruit la vie de toute sa famille autour, sa vieille maman qui touchait de l'argent de son fils, etc. » Donc, il n'avait pris aucune conscience de ce en quoi le meurtre était concret. Il en prend conscience après, en fait. Après. Lui, en tout cas, les autres, je ne sais même pas s'ils en ont pris conscience. De toute façon, vous ne l'avez pas rencontré. Vous n'avez pas rencontré que le troisième dont nous venons de parler. Mais quand même, merci infiniment, Morgane Sportes, pour votre témoignage. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous parler de cette affaire qui nous hante encore. Mmh. C'est vrai qu'elle est saisissante et effrayante. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'APA, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'accident du Costa Concordia.